Chant numéro 6. Après que Constantin eut retourné les aigles contre le cours du ciel, qu'elles avaient suivi sur le pas de l'aïeul, époux de Lavinie, 100 et 100 ans et plus resta l'oiseau de Dieu au nid qu'il s'était fait sur le bord de l'Europe, et non loin de ces monts dont il sortit d'abord. Et là, sous le couvert de ses plumes sacrées, passant de main en main, il gouverna le monde, et en changeant ainsi, termina par m'échoir. Oui, je fus empereur, je suis Justinien. Mû par la volonté d'un souverain amour, j'ai supprimé des lois l'excessif et le vain. Avant de consacrer mes soins à cet ouvrage, j'admettais dans le Christ une seule nature, et j'étais satisfait avec cette croyance, jusqu'à ce que Agapé, ce bienheureux qui fut le suprême pasteur, m'eût avec ses discours enseigné le chemin de la foi véritable. Je crus à sa parole, et maintenant son dire m'est devenu plus clair que pour toi la présence du faux pris dans le vrai des contradictions. Sitôt que je suivis les sentiers de l'Église, la divine faveur a voulu m'inspirer cet important ouvrage, et j'y mis tout le temps, me fiant pour la guerre aux soins de Bélisaire. Comme la main du ciel le protégeait partout, j'ai su que je devais m'en reposer sur lui. Je viens de contenter ta première demande par ce que je t'ai dit. Cependant, sa nature m'oblige à t'ajouter une certaine suite, pour que tu puisses voir avec quel juste titre on veut se soulever contre l'emblème saint, les uns pour l'usurper, d'autres pour le combattre. Vois combien de hauts faits l'ont déjà rendu digne de respect, à partir de cette heure où Pallas, pour lui faire un royaume, avait donné sa vie. Tu sais comment, dans Albe, il fixa sa demeure pendant plus de 100 ans, jusqu'au jour de la fin, quand les 3 contre 3 ont combattu pour lui. Tu sais ce qu'il a fait, du chagrin des Sabins au malheur de Lucrèce, aux mains de ses 7 rois, soumettant alentour les peuplades voisines. Tu sais ce qu'il a fait, porté par les vaillants Romains, contre Brennus, et puis contre Pyrrhus, contre les autres rois, contre les républiques, grâce à quoi Torquatus et Quintius, son nom tiré de ses cheveux mal peignés, Decius, Fabius, ont gagné le renom que je loue. C'est lui qui terrassa des Arabes l'orgueil, passant sous Hannibal les alpestres rochers, d'où le courant du Pô descend dans la campagne. C'est sous lui que Pompée et Scipion jouirent tout jeunes du triomphe, et il parut bien dur à ceux de la colline où tu vis la lumière. Puis, à peu près au temps où le ciel voulut rendre au monde l'ordre heureux qui fut partout le sien, César vint s'en saisir avec l'accord de Rome. Ce qu'il a fait alors, du Var jusqu'au Rhin, l'Isère avec la Loire et la Seine l'ont vu, et tous les affluents qui grossissent le Rhône. Et ce qu'il fit ensuite au départ de Ravenne, passant le Rubicon, fut d'un vol si hardi que la langue et la plume ont du mal à le suivre. Du côté de l'Espagne, il porta son essor, puis contre Durazzo, frappant si fort Pharsal que le Nil embrasé frémissait de douleur. Lors, il revit l'entendre avec le Simoïs, où fut son nid premier, et le tombeau d'Hector, et puis reprit son vol, abattant Ptolémée. Tombant comme la foudre, il fonça sur Juba, puis vers votre occident il redressa son aile, à l'heure où de Pompée éclatait la fanfare. Et tout ce qu'accomplit le suivant porte enseigne, Brutus et Cassius, là dans l'enfer, l'aboient, et Modène et Pérouse en ont porté le deuil. Il fit pleurer aussi la triste Cléopâtre, qui, fuyant devant lui, demandait à la spique une mort ténébreuse aussi bien que soudaine. Il courut avec lui jusqu'aux ondes vermeilles, et le monde sous lui connut une pételle qu'on dut fermer la porte au temple de Janus. Mais ce que l'étendard qui conduit mon discours a fait par le passé, ce qu'il a fait ensuite au royaume mortel soumis à son pouvoir, apparaît comme obscur et insignifiant, si l'on voit d'un cœur pur et d'un œil clairvoyant ce qu'il fit dans la main du troisième César. Car le juge éternel qui dicte mes paroles lui céda, lorsqu'il fut dans la main que je dis, l'honneur de la vengeance où son courroux prit fin. Admire maintenant ce que j'ajoute ici. Plus tard, avec Titus, il courut pour venger la vengeance, rachat de notre ancien péché. Et quand la dent lombarde ensuite voulut mordre l'Église, ce fut lui qui couvrit de son aile Charlemagne vainqueur, qui la vint secourir. Or tu peux maintenant former un jugement sur ceux que j'accusais tantôt et sur leurs crimes, qui de tous vos malheurs sont la cause première. L'on oppose parfois l'universel symbole au lys d'or. L'on en fait l'emblème d'un parti, et l'on ne voit pas bien quel est le plus coupable. Qu'ils fassent leur complot, mais sous une autre enseigne, les gibelins, c'est mal servir sous celle-ci que de la maintenir si loin de la justice. Que ce Charles nouveau, secondé par ses guelfes, ne pense pas l'abattre, et qu'il craigne la serre qui tira plus d'un poil à de plus fiers lions. Souvent dans le passé, les enfants ont pleuré par la faute du père, et qu'on ne pense plus que Dieu pourrait changer ses armes pour les lys. Cette petite étoile renferme en son enceinte les esprits vertueux qui se sont employés à faire que la gloire et l'honneur leur survivent. Et lorsque les désirs se proposent ce but, ce chemin détourné fait que de l'amour vrai, le rayon monte au ciel avec plus de lenteur. Mais c'est un autre aspect de notre heureux état que cette égalité du mérite et des gages, qui fait qu'on ne les veut ni moindres ni plus grands. Le vivant justicier modère dans nos cœurs si bien notre désir que l'on ne peut jamais le tordre dans le sens de quelque iniquité. Diversité de voix fait la douce musique. De même, parmi nous, des sièges différents produisent dans nos cieux une douce harmonie. Et dans l'intérieur de cette marguerite brille d'un grand éclat sur au mieux, dont l'ouvrage, quoiqu'il fût grand et beau, fut mal récompensé. Mais tous les Provençaux qui tramaient contre lui n'en ont pas ri. Partant, mal choisi son chemin, qui paye avec le mal le bien fait par un autre. Car Raymond Béranger avait eu 4 filles qui tout ont régné. Ce résultat était l'œuvre de ce Romieux, modeste et sans parents. Les intrigues plus tard de certains envieux lui firent demander des comptes à ce juste, qui lui rendit pour 10, 7 et 5 à la fois. Et il partit, bien vieux et sans un sou vaillant. Si le monde savait ce qu'il avait au cœur lorsqu'il dut mendier pour un morceau de pain, quoiqu'on le loue assez, on le louerait plus.